Bonjour à toutes et tous, les auditrices et les auditeurs de Fadjet 94.2. Voici donc l'émission numéro 3 des bons plans solidaires que nous vous proposons et intitulée « Les bons plans solidaires de l'été ». Nous sommes heureux de vous retrouver malgré cette période encore difficile pour certains d'entre vous dans notre région. Cette émission vous est proposée et a été conçue par le GSA, le groupe Solidaire Actif, qui est une action de l'association Arélia. Pour rappel, le GSA accueille toute personne qui habite à Nancy et son agglomération et qui a comme ressource un minima social. Au GSA, les compétences petites et grandes de chacun sont mises en avant via des projets que les membres construisent ensemble à l'appart du GSA qui se situe à Vendeuvre. Pour tout renseignement, retrouvez les actions d'Arélia et du GSA sur www.arelia-asso.fr ou sur Facebook sur ses pages GSA Arélia ou Arélia Online. Voilà pour la parenthèse GSA. Pour cette émission, le GSA s'est une nouvelle fois associé avec plusieurs partenaires et associations. Toute l'équipe de la Dream Team a travaillé dur pour vous proposer ces bons plans solidaires de l'été et ils sont autour de moi. Alors, tout le monde est en grande forme ? Nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Amel. Bonjour Amel, quel sera ton sujet ? Bonjour Sandrine et bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un produit désinfectant maison que tout le monde peut faire. Voilà un bon plan utile. Et voici Amani. Salut Amani, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui ? Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Moi, ça sera une recette de crème de visage pour hommes. Super comme idée. On retrouve Nicolas. Bonjour Nicolas, quel va être ton bon plan pour cette émission ? Salut tout le monde, moi je vais vous parler d'un été vélo. Ça va être sympa. Et c'est ensuite David. Salut David, de quoi vas-tu nous parler ? Bonjour à tous. Mon sujet portera sur les recommandations sanitaires qu'il faut poursuivre. C'est vrai, c'est très important. Et voilà maintenant les petits nouveaux de la Dream Team. Tout d'abord Damien. Bonjour Damien, de quoi vas-tu nous parler pour cette première ? Salut Sandrine et salut tout le monde. Moi, je vais vous parler de balades culturelles à faire cet été. Génial ! Ensuite, c'est Patrick. Bonjour Patrick, quel va être ton sujet pour l'émission ? Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Mon sujet parlera d'une exposition cet été à Nancy. Et enfin, l'incontournable Laetitia. Salut Laetitia ! Quel bon plan nous a-t-on trouvé aujourd'hui ? Bonjour Sandrine et bonjour aux auditeurs de Fadjet. Je vais vous parler d'une huile solaire protectrice à faire soi-même. Le programme est prêt. Allez, c'est parti. C'est Laetitia qui va nous proposer ce tout premier bon plan très économique, n'est-ce pas ? Oui Sandrine, pour cet été, je vous propose de faire vous-même votre huile solaire protectrice maison. Pour cela, vous mettez dans un bol 50 ml d'huile de coco, puis 50 ml de beurre de karité. Faites chauffer le bol au bain-marie jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Laissez refroidir, puis mélangez le tout. Ajoutez ensuite 15 gouttes d'huile essentielle de lavande, tout en remuant doucement. Vous mettez cette huile solaire protectrice dans un pot et conservez-la au frais. C'est idéal pour bronzer et avoir une peau protégée, nourrie et apaisée. Je vous rappelle qu'il faut être prudent au soleil et que les meilleures heures pour bronzer sont avant 12h et après 17h. Super bon plan Laetitia. On sent vraiment que l'été est là. Merci à toi. Et maintenant, c'est Damien qui va nous proposer de belles balades à faire sur Nancy cet été. Oui, Sandrine. La région autour de Nancy propose de nombreux endroits magnifiques. Alors, il faut profiter des beaux jours pour aller les visiter, que ce soit à pied ou à vélo. Je vais vous proposer trois exemples d'itinéraires pour découvrir le patrimoine Art Nouveau de Nancy. Alors, le premier itinéraire s'intitule « Au cœur des affaires ». Il part de la gare de Nancy et va jusqu'au point central. En moins de 2 km, vous découvrirez les établissements de commerce et banques de centre-ville, où la culture de l'école de Nancy en est imprimée dans la pierre, le métal, le verre et le bois. Vous découvrirez l'esprit d'entreprise et l'audace de la bourgeoisie nancéenne de l'époque. Mon deuxième itinéraire s'intitule « Le parc de Sorupt ». À partir d'un fantasme de cité-jardin, ce projet de parc privé au sud de la ville est confié en 1901 aux architectes Émile André et Henri Guiton. Seules 6 villas, chacune exceptionnelle, sont construites. Les autres édifices ont été bâtis entre 1920 1930, dans un pur style art déco. En moins de 2 km, vous découvrirez un site magnifique. Mon troisième itinéraire s'intitule « Autour du quartier thermal ». Le quartier de Nancy Thermal, né au début du XXe siècle et se développe pour l'exposition internationale de l'Est de la France en 1909. La ville cède le pas à la nature dans des rues bordées de maisons familiales et de petits jardins. Vous terminerez cette belle balade d'environ 3 km au magnifique parc Sainte-Marie, réaménagé en 1909 pour l'exposition internationale de l'Est. Voilà, Sandrine, trois exemples de belles balades à la portée de tous et en prenant votre temps, en levant les yeux pour y découvrir souvent de petits trésors méconnus même des Nancéens, que vous garderez en souvenir en prenant de belles photos. Pour découvrir tous ces beaux endroits à Nancy et autour de Nancy, à travers de belles balades qui vont de 3 à 10 km, je vous invite à consulter le site internet www.nancy-tourisme.fr ou à vous rendre directement à l'Office de tourisme Place Stanislas à Nancy, qui édite de petites brochures gratuites et bien pratiques avec cartes. C'est ouvert 7 jours sur 7, tout l'été, et leur équipe est super sympa. Eh bien, merci Damien. Voilà de belles journées en perspective durant cette période d'été en découvrant notre beau patrimoine. Et maintenant, c'est Amel qui va nous présenter une bonne astuce ménage écologique. N'est-ce pas, Amel ? Oui, Sandrine. Voici ma recette de désinfectant 100% naturel pour la maison. Voici les ingrédients nécessaires. Une cuillère à café de bicarbonate de sodium, 20 ml de vinaigre blanc, 10 ml d'alcool à 70 degrés, 5 gouttes d'huile essentielle de votre choix, un bol, un spray que l'on peut récupérer d'autres produits et bien laver avant. Alors comment faire ? C'est simple. Mettez votre cuillère à café de bicarbonate dans un bol, versez le vinaigre blanc. Attention, ça mousse. Lorsque le mélange ne mousse plus, ajoutez vos 10 ml d'alcool, mettez ensuite votre huile essentielle, ça va mousser à nouveau, donc pas de panique. Une fois cette étape terminée, transférez votre solution dans un flacon spray. Et voilà, vous avez fabriqué votre propre désinfectant, fait maison 100% naturel. Ce produit est sans danger pour la santé ou l'environnement. N'oubliez pas quand même de mettre une petite étiquette sur le flacon afin d'identifier son contenu. À titre d'information, le bicarbonate a une vertu nettoyante et élimine les mauvaises odeurs. Le vinaigre blanc est un puissant désinfectant antiparasitaire et antifongique, détartrant. L'alcool à 70 degrés est un désinfectant efficace et l'huile essentielle ramène sa petite douceur parfumée et agréable. Merci Amel de ce bon tuyau efficace et très économique. Nous l'avons testé et le résultat est impeccable. C'est l'heure de faire une petite pause musicale. La Dream Team a choisi en cette période de crise sanitaire la chanson humoristique de notre voisin franc-comtois, Aldebert, qui s'intitule « Le Corona Minus ». C'est parti, et on se retrouve juste après. Avis à tous les terriens, le Corona Minus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre, en provenance de Vénus, s'est posé sur la Terre. Et c'est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante. Lavez-vous les deux mains, une demi-minute. En récré, prenez soin d'éviter les disputes. Respectez la distance avec tous les copains. D'un mètre dit la science et puis tout ira bien. Vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood. Prenez garde à toujours tousser dans votre coude. Évitez les balades dans les endroits bondés. Ne tombez pas malade, donc voilà une idée. Dans un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient d'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et non d'une chauve-souris, mais qu'en va-t-il filer d'ici? Déserter notre globe, satané microbe. La condition requise pour aller mieux demain, ne faites plus de bises, ne serrez pas de main. Mais pour être peinard, soyez mobilisés, jetez votre mouchoir une fois utilisé. À l'école ou à la maison, restez zen et candide. Telle est votre mission et ce fichu Covid nous lâchera les baskets et nous crierons victoire. Partout sur la planète, on fêtera son départ. D'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient de renvoyer sur Vénus ce satané virus. Et non d'une chauve-souris, mais qu'en va-t-il filer d'ici? Ces bons conseils de précaution étant dit, nous reprenons le cours de notre émission avec cette fois-ci un bon plan de l'été qui va nous être proposé par Nicolas. Tu vas donc nous parler vélo, Nico, c'est bien cela ? Oui, c'est tout à fait ça, Sandrine. Je vais donc vous présenter trois bons plans pratiques relatifs à la petite reine. L'été est en effet une période propice pour se balader, flâner et faire du sport, qui est excellent pour la santé. Je vais tout d'abord vous parler de la maison du vélo. Cette dernière est un lieu de 2000 m² pour tous les cyclistes. Vous pourrez donc louer, tester un vélo à assistance électrique et profiter de la vélo-école adulte-enfant pour vous donner de bons conseils et pratiques. La maison du vélo a déménagé il y a quelques mois dans le centre-ville de Nancy, entre la cathédrale et la place Tannes, au 6 rue Claude Charles. Pour plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site internet maisonduvélo.grandnancy.org. Mon deuxième bon plan concerne l'opération coup de pouce vélo. Pour vous remettre le pied à l'étrier et vous redonner un sentiment de liberté, le gouvernement a mis en place une aide de 50 € à valoir sur votre réparation de vélo, vélo électrique dans les lieux agréés dont vous trouverez les coordonnées sur le site coup de pouce vélo. En effet, l'utilisation du vélo a très fortement augmenté depuis la première semaine de déconfinement. La peur des transports en commun a effectivement joué un rôle important, conseillé et doit également perdurer à présent. C'est une bonne attitude citoyenne. Nous vous rappelons que cette opération est valable jusqu'au 31 décembre 2020. Pour plus d'infos, consultez la plateforme nationale Coup de pouce vélo sur Internet. Pour finir, je vais donc vous parler d'une super application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, tablette ou ordinateur pour vous aider à préparer vos balades en vélo ou vos randonnées sur la région et partout en France. Ce lien se nomme Visorando et il vous suffit donc de rentrer vos infos et l'application vous trouvera des balades et des itinéraires. C'est beau la technologie, n'est-ce pas Sandrine ? Pour télécharger cette application, il suffit d'aller dans Play Store et de l'installer sur votre smartphone. C'est hyper facile et c'est gratuit. Bon été à toutes et tous, à vos vélos, chaussures de rando, sacs à dos, gourdes et vos masques. Et surtout, restez prudents et prenez bien soin de vous. Voilà encore un bon plan pour bien s'occuper cet été. Merci Nicolas. Et maintenant Patrick, tu vas nous présenter une belle exposition tout l'été à Nancy et dont l'entrée est gratuite. Oui Sandrine. Je vais vous proposer une exposition sur les œuvres majeures de la statuaire lorraine qui sera présentée tout à l'église des Cordeliers à Nancy située dans la vieille ville. Cette exposition est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h et gratuit. Vous découvrirez une remarquable sculpture médiane du retour croisé qui a retrouvé sa niche devant l'entrée de la chapelle octogonale des Cordeliers. D'autres pièces majeures de la statuaire lorraine ont quitté le musée Lorraine actuellement aux travaux de rénovation pour installer des Cordeliers. Près de 30 œuvres sont présentées dans la plus vieille église de Nancy, éditée à la fin du XVe siècle après la victoire du duc René II contre le duc de Bourgogne, Charles Téméraire. Un programme de visites et de conférences est prévu en ce lieu, notamment grâce à la reproduction de la maquette de Nancy en 1611 qui était apparemment au palais du gouvernement. Après cette belle visite, vous pouvez vous rendre directement au parc de la Pépinière pour vous promener en passant par les allées qui longent le parc du palais du gouvernement. Merci Patrick de ta présentation de cette belle exposition. Effectivement, et malgré la situation sanitaire, il va se passer à Nancy de nombreuses activités et expos durant cette saison. L'été, il fait beau, c'est aussi les vacances, c'est chouette, mais il faut cette année rester prudent. David, tu voulais nous repréciser quelques recommandations essentielles pour passer un bel été, mais en se protégeant et en protégeant les autres ? Oui Sandrine, c'est exactement cela. Profitons de l'été, mais restons vigilants. Les consignes de sécurité essentielles concernant la situation sanitaire doivent toujours être, à ce jour, scrupuleusement respectées. Trois sont essentielles et c'est la fameuse règle des 3 M. Masque, main, mètre. Durant tout cet été, il faut garder son masque dans tous les milieux publics, magasins, restaurants, transports publics, musées, parcs et jardins et entre amis. C'est plus prudent. Le deuxième M est comme main. Il faut se laver les mains très souvent. Le troisième M est comme mètre. Un mètre est la distance minimum entre deux personnes pour éviter la circulation du virus. Rappelez-vous la règle des 3 M. Masque, main, mètre. N'oubliez pas enfin d'avoir toujours sur vous une solution hydroalcoolique et évitez les grands regroupements. Notre bonne santé à tous n'a pas de prix et vaut bien ces réflexes salutaires. Merci David. Effectivement, il est important de rappeler ces consignes de sécurité pour passer un bel été et bien en profiter. Eh bien, vous savez quoi, les auditeurs de Fadjet ? C'est déjà presque la fin de notre émission. Mais avant, c'est Amani qui va nous proposer un dernier bon plan du quotidien et très économique. Pour vous, les hommes. Oui, Sandrine. C'est effectivement un bon plan économique pour prendre soin de son visage. Je vous propose un soin bonne mine pour les hommes et à réaliser soi-même. Pour cela, battez un blanc d'œuf. Ajoutez une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de yaourt nature, une cuillère à soupe de jus de citron. Mélangez bien afin d'obtenir une pâte homogène et hop, appliquez sur votre visage. Laissez reposer 15 minutes, rincez votre visage et le tour est joué. Vous aurez, les garçons, une bonne mine assurée. Je vous souhaite un bel été et un beau succès. Merci Amani pour cette bonne idée. J'en connais beaucoup qui vont vite suivre ton conseil. Eh bien les amis, cette fois, il est temps de nous quitter et jusqu'à la prochaine fois. La Dream Team, vous avez encore bien travaillé et c'était un vrai plaisir de préparer tous ensemble cette nouvelle émission. Alors, merci Laetitia et à très vite. À très bientôt et bel été à toi Sandrine. Merci à toi Damien. C'était un plaisir et à la prochaine. Merci Amel. À bientôt les auditeurs de Fadjet et bon été à tous. Merci Nicolas. Merci tout le monde, à bientôt. Merci Patrick. À bientôt Sandrine et passez un bel été aux auditeurs de Fadjet. Merci à toi David. Merci Sandrine et merci à tous. À très vite et bel été. Et merci Amani. Merci à tous. Merci à toi Sandrine pour ton animation. Un bel été à tous. Merci Amani et merci à vous toutes et tous de votre confiance. En tout cas, nous espérons que cette troisième émission vous a plu, les auditrices et les auditeurs de Fadjet. N'hésitez pas à nous écrire pour nous donner, vous aussi, de nouvelles bonnes idées, astuces et bons tuyaux. C'est ça, être solidaire. En tout cas, nous, à la Dream Team, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission des bons plans solidaires. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez un bel été et restez sur Fadjet 94.2 pour la suite de nos programmes. À bientôt. Ciao, ciao.